La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Tous et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des... Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. La reconstruction d'un très ancien canal, le canal d'Inroué, sert de fil conducteur au cours que donne cette année Pierre-Étienne Ville sur « Ingénieur et philanthrope dans la Chine des seigneurs de la guerre ». Cette Chine qui va de la République à la Deuxième Guerre mondiale a suscité énormément de récits mythiques et de nombreuses réécritures de l'histoire. C'est en découvrant des sources nouvelles, papiers, articles, numéros de revues, carnets intimes, etc., tant chinoises qu'étrangères, que Pierre-Étienne Ville reprend cette page de l'histoire mondiale. Son terrain d'étude est le canal Tinhui, ses réseaux d'ingénieurs, leurs techniques et leurs financiers, les famines, les questions politiques, mais aussi la province du Chunxi, lieu où se situe le fameux canal, qui lui permet de découvrir et de mettre à jour tout un pan occulté de l'histoire de la Chine d'avant la fin des années 30. Nous sommes, comme toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire quand on y regarde de près, frappé par la complexité des situations, des personnes et des forces en présence. Dans le cours que nous allons écouter ce matin, Pierre-Étienne Ville s'attaque, si je puis dire, au seigneur de la guerre et donc à l'histoire politico-militaire de cette région, laquelle aura des répercussions nationales. Pour reprendre en quelques phrases ce que j'ai déjà eu le temps d'exposer, j'étais parti de la courte période « révolutionnaire », entre guillemets, ou à tout le moins progressiste, qu'avait connu le Shanxi au lendemain de la révolution de 1911, période donc à laquelle avait mis brutalement fin l'invasion de la région par les forces dépêchées par le gouvernement de Yuan Shikai, pour d'abord écraser les troupes de bandits paysans, ou de paysans tournés bandits menés par le fameux loup blanc, le Bailang, qui s'y était introduite depuis la province voisine du Henan, et ensuite, et surtout, pour mettre fin à un régime d'autonomie provinciale attaché aux nouvelles valeurs républicaines et par là même incompatible avec les ambitions centralisatrices de Yuan Shikai et avec son désir de restaurer les valeurs traditionnelles. Le gouverneur militaire, c'est-à-dire le Douchun, mis en place à la faveur de cette opération, un certain Lu Weitian, donc, dont j'ai parlé la dernière fois, surnommé, à en croire plusieurs textes des Wen Shizhi Liao, surnommé Le Boucher, Lu Tuhu, est chassé de la province un peu plus d'une année après par un de ses subordonnés, un militariste local nommé Chen Shufan. J'ai déjà parlé de tous ces gens donc. Mais les exactions, la corruption et les abus de pouvoir de Chen Shufan sont tels qu'ils provoquent rapidement des mouvements de rébellion dans toute la région du Guangzhou, des mouvements qui sont initiés pour l'essentiel par des officiers, des forces locales mécontents, qui se fédèrent dès 1917 pour former l'armée de pacification nationale, donc la Qingguojun, dont j'ai également parlé, dont certains chefs prétendent tirer leur inspiration et leur légitimité de la résistance au régime de Yuan Shikai conduite par Sun Yat-sen dans le sud du pays. La Qingguojun en vient assez vite à contrôler une bonne partie de la rive gauche de la Wei. Son quartier général est situé à Sanyuan, l'une des trois sous-préfectures du périmètre d'irrigation du Weibei, en face de Xi'an, la capitale de la province. Et au début de 1918, les chefs de la Qingguojun, qui a été fondée quelques mois avant, tentent une attaque combinée contre Xi'an avec la volonté d'en déloger Chen Shufan. La Qingguojun perd toutefois son avantage militaire après que Chen Shufan, aux abois, a appelé à la rescousse un autre militariste, basé lui dans l'ouest du Henan, et c'est donc Liu Zhenhua, que j'ai également déjà présenté. Le jeune roi entre Shanxi à la tête de ses propres forces, appelée la Jiangsongjun, qui tire son appellation du nom du Songshan, un massif montagneux au Henan, dans l'ouest du Henan, dont la région constitue sa zone d'influence. Et donc il aide Chen Shufan à rejeter les rebelles de la Tiangotun sur la rive nord de la Wei. L'appel de Chen Shufan à Liu Zhenhua n'est pas sans conséquences importantes pour la région, comme nous l'avons vu, car une fois installé à Xi'an, il y reste, et en fait il va y rester plus de 7 ans, jusqu'en 1925. Nommé par le gouvernement de Pékin gouverneur civil de la province, c'était en fait une partie du deal pour le faire venir du Henan, il ajoutera à ce titre, à partir du printemps 1922, celui de gouverneur militaire, Dutun, et cela lui donnera un pouvoir en principe absolu sur la province et lui vaudra aussi un sobriquet, celui de Liu le Cumulard, c'est-à-dire Liu Tianzhou. Le personnage de Liu Zhenhua mérite que je m'y arrête brièvement, non seulement parce qu'il a été au pouvoir au Shanxi pendant une aussi longue période, et de plus une période pendant laquelle se sont passées beaucoup de choses importantes en ce qui concerne notre sujet, mais aussi parce que son impact au Shanxi n'est pas très facile à cerner de façon exacte. Contrairement à d'autres seigneurs de la guerre plus importants que lui, Liu Zhenhua n'a pas fait l'objet d'une quelconque étude monographique, et de ce fait, les renseignements sur lui sont assez dispersés. En fait, les seules publications que je connaisse sur lui, qui parle vraiment de lui un peu en détail, sans autrement qu'en le mentionnant au cours d'autres choses, ces seules publications sont quelques articles parus dans un numéro des Wenshi Ziliao du Shanxi, datant de 1963, et qui est consacré pour l'essentiel au siège de 8 mois qu'a subi Xi'an en 1926, aux mains de Liu Zhenhua, justement, qui était revenu assiéger son ancienne capitale provinciale. Quelques articles, dont un seul, en fait, envisage le personnage dans la totalité de sa carrière. Cet article, qui est intitulé tout simplement « La vie de Liu Zhenhua », Liu Zhenhua de Yisheng, soulève de façon typique quelques-uns des problèmes historiographiques que j'ai déjà évoqués concernant les Wenshi Ziliao. Il est daté de 1959 et son auteur est un nommé Mi Jian Kuang, qui laisse entendre ici et là qu'il était en effet présent au Shanxi pendant les événements qu'il raconte, et en particulier qu'il se trouvait dans Xi'an pendant le siège en 1926. Le nom même de Mi Jian Kuang suggère qu'il doit être le frère ou le cousin d'un certain Mi Jian Chen, qui est l'auteur d'une biographie de Yang Rucheng, le général donc devenu gouverneur du Shanxi en 1930, dont vous avez quelques années avant le portrait devant vous, dont j'ai déjà parlé, et qui avait commandé justement la défense de Xi'an en 1926. Une biographie parue en 1986, réimprimée en 1998, mais dont la première version remonte aux années 60. Or, indique une préface à cette biographie de Yang Rucheng par Mi Jian Chen. Mi Jian Chen était un vieux communiste, on ne nous dit pas depuis quand, et surtout il avait été le secrétaire particulier de Yang Rucheng pendant une dizaine d'années à partir de 1927. En d'autres termes, il a supposé que Mi Jian Kuang, l'auteur de l'essai sur Liu Zhenhua dans les Wenshi Ziliao, soit en effet, c'est plus que vraisemblable, un proche parent de Mi Jian Chen, ils sont de la même génération apparemment, d'après leur nom, ils pourraient du coup appartenir à un milieu en effet très représenté dans cette collection, dans les Wenshi Ziliao, c'est-à-dire un milieu prompt à se remémorer le passé avec les yeux et avec la rhétorique de l'orthodoxie communiste. Ou si vous voulez, conformément à cette grille manichéenne que j'évoquais la dernière fois, où on a les bons d'un côté et les méchants de l'autre, sans guère de compromis possible. Et de fait, dans l'essai de Mi Jian Kuang, Liu Zhenhua est un méchant, et sans nuance. Il est ambitieux, cruel, rapace, manipulateur, et il est très opportuniste. C'est d'ailleurs grâce à son savoir-faire pour flatter les puissants du moment qu'il aurait réussi à conserver son poste au Shanxi aussi longtemps, alors que le pouvoir réel passait d'une clique de militaristes à l'autre. Il est, en outre, très réactionnaire. Pendant son règne au Shanxi, il encourage le renouveau du confucianisme, il persécute les étudiants de gauche, qui sont des lycéens en fait, qui protestent contre ses menées et participent au mouvement national anti-impérialiste, il s'allie avec les bureaucrates et les lettrés les plus conservateurs pour contrôler l'assemblée provinciale, ainsi que le système d'enseignement, etc., etc. Il est hors de doute que Liu Zhenhua était un individu assez peu recommandable. En dépit du fait qu'il avait passé le premier degré des examens mandarinaux en 1903, donc 2 ans avant la disparition définitive du système, il avait poursuivi ses études dans les écoles militaires de l'armée moderne du Beiyang à Baoding, donc la capitale administrative du Zheli, de la province métropolitaine. Les écoles de Baoding, qui étaient une création de Yuan Shikai, tout comme l'armée du Beiyang elle-même, ont été une pépinière d'officiers du Beiyang et aussi de seigneurs de la guerre, grands et petits. Donc Liu Zhenhua en est un exemple. Et pourtant, malgré cette formation, à la veille de l'écroulement de l'Empire, Liu Zhenhua occupait des fonctions dans le système éducatif modernisé de sa province natale, du Henan. Mais pour le reste, c'est-à-dire à partir des troubles qui ont marqué la révolution de 1911 au Henan, comme un peu partout, sa carrière est celle d'un aventurier pourvu de tous les attributs typiques du seigneur de la guerre au petit pied. C'est-à-dire exclusivement voué au renforcement de son armée et à la préservation du territoire qu'il contrôle et dont il extrait tous les revenus qu'il peut, sans même ses proclamations patriotiques et anti-impérialistes et ses ambitions de réunifier le pays qu'on trouve chez ses collègues de plus haute stature, comme par exemple Feng Yuxiang, pour citer quelqu'un que nous allons retrouver dans un instant, ou quelques autres. Un auteur récent décrit Liu Zhenhua comme un ancien maître d'école qui, en 1912, a réussi à rassembler en quelques semaines une armée de bandits renanais. Cette armée de bandits, c'est apparemment le noyau de la Jun Songkun, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est donc son armée personnelle qui l'emmène à sa suite dans tous ses déplacements et à l'entretien et au renforcement de laquelle sont consacrées toutes ses énergies. De ce point de vue, toutes les sources confirment que son transfert au Shanxi pour répondre à l'appel de Chen Shufan en 1918, tout en laissant d'ailleurs des unités en arrière pour protéger sa, pour préserver sa base au Henan, tout confirme donc que ce transfert a été un prétexte tout trouvé, non seulement pour s'agrandir lui-même en devenant gouverneur d'une province, mais aussi pour accroître son armée en sacrifiant le sang et la sueur du peuple du Shanxi, comme le dit Mi Jianquang. Alors qu'au moment de son entrée dans la province en 1918, la dite armée n'était, toujours d'après le même auteur, qu'une troupe somme toute modeste de 5000 hommes, en 1924, elle dépasserait la centaine de milliers. Autrement dit, grâce à l'exploitation des ressources du Shanxi, ou plus modestement du Guangzhou, parce qu'il ne contrôlait qu'une partie du Guangzhou en fait, grâce à cela donc, Liu Zhenhua est désormais un seigneur de la guerre qui compte. Quant à sa carrière politico-militaire, qui a eu ses hauts et ses bas, elle est entièrement faite de palinodies ou de trahisons pures et simples pour gagner les faveurs de la clique de seigneurs de la guerre qui semble prendre le dessus à un moment donné. Et c'est ainsi, dernier retournement de veste, qu'après avoir épousé la cause des seigneurs de la guerre nordistes, adversaires de Chiang Kai-shek, au moment de la guerre de réunification lancée par ce dernier en 1930, Liu Zhenhua passe rapidement du côté de Chiang quand il sent que le vent tourne, ce qui lui vaudra de devenir d'ailleurs un général du Kuomintang et un gouverneur de province. Il semble d'ailleurs avoir fini un peu dérangé et en 1949, il s'embarque pour Taïwan avec sa nombreuse famille, son 6 frères, des tas de gens. Cela étant dit, même si Liu Zhenhua est un personnage assez peu ragoûtant, son règne au Shanxi dans les années 1920 n'a pas été la période exclusivement obscurantiste et brutale décrite par Mi Jianquang. Il est frappant, pour ne mentionner que ce détail, mais il a son importance pour nous, il est frappant que Mi Jianquang ne mentionne pas une seule fois le nom de Li Jue, pourtant un grand héros du Shanxi s'il en fut, alors que tant d'autres sources, dans les Wenshizi Liao et ailleurs, insistent au contraire sur son retour dans la province en 1922, alors même donc que Liu Zhenhua était au pouvoir, sur toutes les fonctions qu'il a remplies dans des organismes dépendant directement du gouvernement provincial, et sur toutes ses réalisations dans le domaine de l'hydraulique et de l'éducation, en recherchant et souvent en obtenant l'appui du gouverneur Liu, comme l'atteste la photo en pied de ce dernier que l'on voit dans le pamphlet publié par Li Jue en 1923, dont j'ai déjà parlé. Le voici, où nous voyons Liu Zhenhua, en effet, gouverneur civil et militaire, donc c'est à l'époque où il est Tianzhou, de la province du Shanxi, avec toutes les décorations d'un seigneur de la guerre, d'opérette, pourrait-on dire, contrairement à d'autres que nous verrons plus tard. Tout cela suggère, au moins, à quel point il est difficile de se faire une idée un tant soit peu nuancée et réaliste de toutes ces choses lorsque l'on navigue au milieu des souvenirs hautement détaillés, mais aussi hautement sélectifs, alignés d'un article à l'autre dans les pages des Wenshezhiyao. Et puisque j'y suis, je mentionne encore un autre personnage, un notable relativement en vue du Shanxi, appelé Guo Xizhen, né en 1881 et mort en 1923, et qui a aussi son importance dans notre histoire, car c'est d'une certaine façon lui qui a été à l'origine de la vocation d'hydraulicien de Li Yizhe. Ils ont pratiquement le même âge. Mais Jiang Kuang le ridiculise en le traitant de vieux confucéen, collaborant aux entreprises réactionnaires de Liu Zhenhua, en le mettant dans la liste de ceux qu'il appelle les individus retardateurs, c'est-à-dire les Lo Hu Zhenhu, contre qui, dans sa vision manichéenne des choses, combattent bravement, mais à leurs risques et périls, les éléments progressistes, c'est-à-dire les Qin Bu Fenzi, et ces éléments progressistes, d'ailleurs, ce sont d'abord les lycéens de Xi'an, et justement, Guo Xizhen est chef du département d'éducation, donc c'est contre lui qu'il se retourne. Il semble en effet exact que pendant sa courte vie, Guo Xizhen a toujours persisté dans son attachement au confucianisme et qu'il a même milité dans les années 20 pour encourager le culte de Confucius à une époque, donc, et particulièrement autour de 1920, à une époque où, comme l'on sait, le slogan du jour dans les milieux de la nouvelle culture, c'était au contraire « Abat la boutique de Confucius ». Et il semble qu'il ait été pas mal attaqué à Xi'an pour cette raison et qu'il ait fini de ce fait par démissionner de ses fonctions officielles à la tête de l'enseignement du Shanxi. Mais en même temps qu'un lettré de formation traditionnelle, Guo Xizhen n'était pas moins un authentique progressiste, un peu dans le même style que les membres de la famille de Li Yizhe dont je vous ai parlé l'autre jour. Je veux dire, fils de modestes paysans du Guangzhou, mais ayant réussi à étudier pour les examens, avant de se convertir aux études modernes, c'est-à-dire Xinxue, le nouveau savoir, notamment les mathématiques, mais sans pour autant rejeter sa culture classique, puis parti étudier à la future université de Pékin, comme exactement Li Yizhe, ayant voyagé au Japon, et dès 1907 adhérent de la Ligue jurée de Sun Yat-sen au Shanxi, la Ligue jurée dont ce sont surtout les aspects anti-manchous qui semblent l'avoir séduit. Également participant actif de la révolution du 1911 dans sa province, puis à la suite d'un voyage d'études en Europe en 1913 où il a emmené Li Yizhe comme accompagnateur et comme interprète, promoteur de la modernisation de la société et de l'économie de sa province natale. Et c'est en fait à lui qu'on doit l'un des premiers projets, encore peu au point techniquement, de reconstruction moderne du système d'irrigation du Longdong, à tel point que Li Yizhe n'a pas hésité à intituler l'essai commémoratif qu'il lui a consacré beaucoup plus tard, Guo Xizhen, à qui revient d'abord le mérite du canal Tinghui, c'est-à-dire Tinghui Xuzhe Shogong, celui qui a le premier réalisé cela. Dès 1914, Guo Xizhen avait pris contact avec Zhang Tian, le fameux lettré et industriel du Jiangsu, fondateur l'année suivante de la première école chinoise d'ingénierie où ira enseigner Li Yizhe, et qui venait d'être mise à la tête d'un bureau national d'hydraulique, un Chuan Gauche ou Elitu, au gouvernement central. Il le contacte donc pour attirer son attention sur l'importance du problème de l'irrigation au Shanxi. Guo Xizhen est ensuite nommé chef du bureau hydraulique de la province, nouvellement créé à la fin de 1917, donc sous l'autorité à ce moment-là de Chen Shufan, et un peu plus tard, il s'arrange, semble-t-il, avec les rebelles basés à Sanyuan, pour aller étudier le site du canal. Enfin, c'est lui qui, à la veille de sa mort, finira par faire revenir Li Yizhe au Shanxi pour prendre la direction de l'irrigation dans la région. Mais c'est là une autre histoire et dont je parlerai plus tard. En fait, autant les contradictions, voire les tourments politiques d'un personnage comme Guo Xizhen, et certainement pas mal d'autres de sa génération et de sa formation au Shanxi, ou ailleurs dans ces années difficiles de transition entre l'Empire et la République, autant ces contradictions sont gommées dans l'essai biographique de Mi Jiankuang sur Liu Zhenhua, qui, encore une fois, le traite de vieux réactionnaire, autant on les voit honnêtement et respectueusement exposer ces contradictions dans un essai sur lui et dans une biographie chronologique qui ont été également publiées dans la collection des Wenshezhiyao du Shanxi. Mais la différence, c'est que ces textes ont été rédigés avant 1949. L'essai est daté de 1941 et la biographie est exactement de la même cuvée. D'une part, et d'autre part, c'est qu'il s'agit d'un volume beaucoup plus tardif des Wenshezhiyao, publié en 1989, et je me demande, et ce serait à voir de plus près, si la différence d'époque, dans la publication des Wenshezhiyao, si la différence d'époque ne pourrait pas expliquer, chez les responsables de cette collection, un certain œcuménisme idéologique, une certaine ouverture autorisant la republication de textes d'anciens régimes, en quelque sorte, qui auraient été inacceptables au début des années 1960, et qui contraste fortement avec la stridence idéologique des textes qui étaient publiés donc au début de la collection, c'est-à-dire autour de 1960 et jusqu'en 63 ou 4. Mais j'arrête là cette digression un peu longue sur Liu Zhenhua, Guo Xijun et sur Li Wenxiao, et j'en reviens à mon rappel des premières années de l'histoire politico-militaire du Shaanxi. J'en étais donc au premier mois de 1918, lorsque, mis en difficulté par l'arrivée des troupes de Liu Zhenhua au Shaanxi, et conscient des problèmes suscités par leur division et par leur rivalité, les chefs de la Xingguotun décident de faire appel à un illustre fils du pays, Yu Zhen, alors en exil à Shanghai et qui est un proche partisan de Sun Yat-sen, de l'appeler donc à revenir au Shaanxi, assumer le commandement général d'une Xingguotun unifiée. C'est donc ce qu'il fait dès son retour à Sanyuan, dont il était originaire, en août 1918, et comme nous l'avons vu, en quelques mois, il réussit de façon assez remarquable à réorganiser et à discipliner les forces rebelles et à leur tailler une zone d'influence qui couvre 14 sous-préfectures dans la région du Guangdong. Nous avons aussi vu que ces succès avaient été assez impressionnants pour que le gouvernement de Pékin dépêche des corps de troupes depuis toute une série de provinces pour aller combattre la Xingguotun. Et de ce fait, celle-ci se retrouve pendant toute l'année 1919 isolée dans son territoire sur la rive gauche de la Wei et dans une situation extrêmement précaire. Et c'est donc à ce moment critique que j'avais dû m'arrêter il y a 8 jours. Par contraste, la situation de l'enclave révolutionnaire, ou se voulant elle, dirigée par Yu Zhen, s'améliore quelque peu dans la deuxième moitié de 1920. Et cela pour des raisons qui tiennent essentiellement à de nouveaux développements sur le plan national. D'abord, le premier grand conflit entre coalitions de seigneurs de la guerre, qui oppose entre eux les militaristes du Nord, héritiers du système Yuan Shikai, ce premier grand conflit éclate à l'été de cette année, 1920. Il voit s'affronter en l'occurrence, d'un côté, la clique dite du Zheli, c'est-à-dire la province métropolitaine, alliée à celle dite du Fengtian, le Fengtian étant bien sûr l'ancienne appellation, enfin l'appellation à l'époque des Qing, de la Mandchourie. Donc, il oppose d'un côté ces deux cliques, et de l'autre, la clique dite du Anhui Fujian, c'est-à-dire qu'on appelle en général Anfu, mais comme je l'ai déjà précisé, ces appellations ne correspondent que très partiellement, ou parfois pas du tout, au territoire effectivement contrôlé par les principaux protagonistes. Par exemple, au début des années 1920, le chef de la clique du Fengtian, qui était Zhang Zuolin, contrôlait donc le nord-est, c'est-à-dire ce qui correspond à la Mandchourie, donc il méritait son nom de chef de la clique du Fengtian, il était basé à Mukden, tandis que celui de la clique du Zheli était au Peifu, dont le quartier général et la base stratégique se trouvaient non pas au Zheli, bien qu'il soit chef de la clique du Zheli, mais dans la province voisine du Renan, et plus exactement à Luoyang, autour de Luoyang, ici. Dans tous les cas, l'un et l'autre étaient des seigneurs de la guerre, donc Zhang Zuolin comme Wu Peifu, extrêmement puissants et à la tête de forces considérables. Et ce conflit donc de 1920, pour y revenir, se conclut dès le mois de juillet par la défaite de la clique Anfu. Ce qui signifie, sur le plan politique, la chute de Duan Xijue à Pékin, donc qui est alors Premier ministre, et par conséquent l'affaiblissement de ses protégés au Shaanxi, qui sont Liu Zhenhua et surtout Chen Shufan, donc les ennemis en quelque sorte institutionnels de la Xingguotun. Ceci est un premier point. Et l'autre raison pour laquelle la pression sur les forces centrées à Sanyuan se relâche quelque peu, c'est que, aussitôt après leur victoire sur la clique Anfu, les seigneurs de la guerre de la clique du Zheli et Zhang Zuolin, le chef du parti du Fengtian, ont commencé à se disputer le contrôle du pouvoir à Pékin, si bien qu'ils sont trop occupés pour avoir beaucoup de temps à consacrer et d'attention à la lutte contre le mouvement de Yu Zhen au Shaanxi. J'exposerai le moment venu comment ce dernier a tenté de mettre à profit ce répit, qui coïncide d'ailleurs avec la grande famine de Chine du Nord en 1920 et 21, et avec la présence au Shaanxi de représentants des organisations philanthropiques internationales, comment il a tenté de mettre à profit ce répit pour essayer de lancer un certain nombre de réformes dans sa zone du Weibei, de réformes de l'éducation par exemple, pour lesquelles il a bénéficié de l'aide d'étudiants progressistes venus des grandes villes du pays, où le mouvement du 4 mai 1919 était encore en plein essor, et qui était prêt donc à participer à l'éducation des masses dans une région aussi éloignée de tout, en tout cas vu de Pékin ou de Shanghai, que San Yuan et le Weibei. Mais surtout, Yu Yuzhen a tenté à ce moment de démarrer lui aussi des travaux pour remettre en service le canal Longdong, et avec l'aide d'ingénieurs formés aux techniques modernes. Et il a mis en place à cet effet un comité et un bureau d'ingénierie à San Yuan. Je reviendrai bien sûr le moment venu là-dessus, d'autant plus que c'est un exemple de plus où l'historiographie chinoise essaye d'associer Li Yizhe à des projets émanant de forces progressistes qui l'ont effectivement sollicité. Après tout, Yu Yuzhen était un vieux camarade d'études, mais auquel il n'avait apparemment aucun désir de répondre à ce moment. Quoi qu'il en soit, ces projets n'ont guère de suite dans l'immédiat, car la situation de l'enclave gouvernée par Yu Yuzhen et ses compagnons se dégrade sérieusement de nouveau dans le courant de 1921. Et cela, encore une fois, pour des raisons directement en rapport avec les grandes manœuvres des seigneurs de la guerre qui dominent la scène nationale. La coalition dite du Zheli a vaincu, comme nous venons de le voir, celle dite du Hanhui ou Hanfu à l'été 1920. L'une des conséquences de cette victoire, c'est que les vainqueurs cherchent à se partager les dépouilles, c'est-à-dire les territoires qui étaient précédemment sous le contrôle de seigneurs de la guerre appartenant à la clique Hanfu, dont, bien sûr, le Shanxi, où règnent deux clients du Hanfuiste en chef, c'est-à-dire le premier ministre, maintenant ex-premier ministre, Duan Xijue. Ces marchandages entre vainqueurs ont créé un certain flottement au Shanxi, comme nous venons de le voir, et celui-ci a redonné une certaine liberté d'initiative au chef de la Tsingotun. Mais il n'a duré que quelques mois. Celui qui, au plan national, est en position de décider d'à peu près tout à ce moment, c'est Wu Peifu, dont le centre de pouvoir est donc situé à Luoyang, au Henan, et dont un article du Times de Londres, en novembre 1921, dit qu'il est considéré par beaucoup de Chinois éclairés comme le principal espoir du pays. Hiérarchiquement, Wu Peifu n'est que le second personnage de la clique du Zheli, mais militairement, c'est le plus puissant et de loin. Il est en tout cas bien décidé à faire repasser le Shanxi sous la coupe de son organisation. Un autre seigneur de la guerre appartenant au groupe, un nommé Yan Xiangwen, est donc nommé pour aller occuper le poste de gouverneur militaire de Dutun à Xi'an, que Chen Shufan est par conséquent prié de libérer. Et je précise au passage que toutes ces nominations et destitutions passaient par le gouvernement de Pékin et étaient donc très officielles, même si les décisions étaient bien sûr prises ailleurs. Quoi qu'il en soit, Chen Shufan fait des difficultés pour quitter Xi'an. Il demande un délai. On dit qu'il veut prendre le temps de rassembler ses troupes, qu'il emmènera avec lui, comme on le faisait toujours dans ces circonstances. Et surtout, on dit qu'il ne veut pas partir avant la prochaine récolte d'opium, qui pourrait lui rapporter une dizaine de millions de dollars. Chen Shufan, comme je l'ai déjà dit, était un des adeptes les plus enthousiastes de la culture illégale de l'opium, c'est-à-dire que dans certains districts, au moins, il imposait de tels impôts que les paysans ne pouvaient pas s'en sortir sans remplacer la culture des céréales ou du coton par celle du pavot. Et il était taxé doublement à ce titre, d'abord sous forme d'amende, puisque c'était illégal, et ensuite sous forme d'impôts sur la production et sur la vente. En tout cas, puisque Chen Shufan ne veut pas bouger, on décide d'user de la force. Wu Peifu désigne pour escorter Yan Xiangwen jusqu'à Xi'an deux chefs d'armée, dont le plus réputé pour l'efficacité et la discipline de ses troupes est un personnage déjà assez connu dans le petit monde des militaristes et même dans celui des étrangers en Chine, et qui est appelé à un très grand avenir, c'est donc Feng Yuxiang. Feng Yuxiang avait déjà une certaine expérience du Shanxi, où il semble d'ailleurs avoir acquis une certaine popularité au moment de son premier passage dans la région en 1914. Il était alors un des principaux lieutenants de Lu Tianzhang dans sa campagne contre le Loup Blanc, contre Bailang, et à en croire au moins James Sheridan, l'auteur de la biographie la plus connue de Feng Yuxiang, qui s'appelle tout simplement Chinese Warlord, tout le mérite des batailles livrées contre le Loup Blanc au Shanxi en 1914, au terme desquelles il a été définitivement anéanti, serait à attribuer à la brigade de Feng Yuxiang. Quoi qu'il en soit, au printemps 1921, les forces de Yan Xiangwen, celles de Feng Yuxiang et celles d'un troisième militariste, un certain Wu Xintian, pénètrent au Shanxi et, après quelques jours de combat, la brigade spéciale de Feng Yuxiang, spéciale parce qu'elle dépend directement du gouvernement et n'est pas placée sous le contrôle d'un gouverneur militaire, autrement dit c'est son armée personnelle, la brigade de Feng Yuxiang donc s'empare de Xi'an et contraint Chen Shufan à la fuite. Il tentera de se tailler un nouveau domaine dans le sud du Shaanxi, qui semble avoir été une zone encore plus ingouvernable que le Guangzhou, mais il en sera de nouveau chassé quelques mois plus tard, cette fois-ci par Wu Xintian, justement, qui s'installe à sa place dans la région. L'associé de Chen Shufan, Liu Zhenhua, quant à lui, qui a le titre de gouverneur civil de la province, comme nous l'avons vu, l'a discrètement trahi en faisant des ouvertures aux nouveaux représentants de la clique du Zheli et en abandonnant son affiliation à la clique Anfu. Décrit dans toutes les sources comme un sycophante de première classe, Liu Zhenhua amadoue Feng Yuxiang en adoptant tous ses dadas, à commencer par le fait de lire la Bible et d'aller à l'église, et devient même son frère juré. Et de fait, il reste en place et restera même à Xi'an beaucoup plus longtemps que tous les autres, puisque nous le retrouverons en bonne place 2 ans plus tard, lorsque les projets de Li Yijie sembleront vouloir se concrétiser avec l'aide de la CIFRC. Les événements qui suivent l'expulsion de Chen Shufan sont de toute façon assez rocambolesques, si l'on en croit surtout les souvenirs de certains auteurs des Wen Shizhiliao, mais ce n'est pas ici le lieu de m'y attarder. Yan Xiangwen prend possession de son poste de Zhuqun, de gouverneur militaire, où il ne semble pas avoir fait grand-chose. Selon certaines indications, c'était un opiomane qui passait souvent plusieurs jours d'affilée sans quitter son lit. Et de toute façon, un personnage assez inconsistant. Le véritable homme fort de la situation, c'est Feng Yuxiang, à qui ses succès contre Chen Shufan ont valu, d'ailleurs, la promotion de son armée au statut et à l'effectif d'une division, lui-même étant bien sûr le général de cette division. Yan Xiangwen, complètement dépassé par les événements, se suicide en août de cette même année 1921, par overdose d'opium, et pour des raisons qui ne sont d'ailleurs pas entièrement claires. Et aussitôt après, Feng Yuxiang est nommé à sa place gouverneur militaire du Shaanxi. On peut donc dire que son ascension au statut prestigieux de Zhuqun a été foudroyante. Et c'est là probablement le moment de s'arrêter quelques instants sur le personnage pittoresque, pour dire le moins, de Feng Yuxiang, assurément l'un des 3 ou 4 super seigneurs de la guerre, si je puis dire, au milieu des années 20, et sur le caractère très spécial de son style de gouvernement, ou plutôt de commandement, sur lequel on a beaucoup de témoignages. Contrairement à Wu Peifu ou Liu Zhenhua, qui avaient quand même atteint le grade d'étudiant confucéen avant de tenter leur chance dans les armes à la faveur des circonstances troublées de la fin des Qing, et comme en fait la majorité des seigneurs de la guerre, Feng Yuxiang était d'extraction extrêmement modeste et avait reçu une éducation plus que rudimentaire. En fait, il était fils de soldat, ce n'était pas un paysan comme on dit parfois, et était devenu très vite lui-même soldat, un peu avant le tournant du siècle, d'abord dans l'armée du Hanhui et ensuite, après 1900, dans une unité dépendant de Yuan Shikai à Tianjin et plus tard encore en Mandchourie. Et pendant ces dernières années du régime impérial, son zèle et son désir d'apprendre lui avaient valu un avancement rapide et au moment de la chute des Qing, à laquelle il n'a pas participé activement, même s'il avait été converti aux idées anti-Mandchou quelque temps après la mort de l'empereur Guangxu à la fin de 1908, au moment de la chute des Qing, donc, Feng Yuxiang est commandant d'un bataillon. Dès 1905, alors qu'il servait à Tianjin encore, Feng Yuxiang avait été remarqué par un de ses supérieurs, un représentant éminent du système Beiyang, édifié par Yuan Shikai, qui n'était autre que Lu Tianzhang, le futur Zhuqun du Shaanxi en 1914. Or, c'est à son amitié avec Lu Tianzhang, ainsi qu'à ses propres talents de chef, dont je vais tout de suite redire un mot, que Feng Yuxiang doit son ascension très rapide au début de la République. Dès 1912, il est recruté par Lu Tianzhang pour être le chef d'un des 5 bataillons d'élite que le président de la République, tout juste installé, donc Yuan Shikai, a fait organiser pour lui servir de garde rapprochée et en même temps de police politique. Comme nous l'avons vu, Feng Yuxiang suit Lu Tianzhang dans sa campagne de 1914 contre les rebelles paysans du Henan, infiltrés au Shaanxi, où il semble avoir remporté donc les succès les plus brillants qui lui valent d'être placé à la tête d'une brigade mixte indépendante, laquelle va être en fait le noyau de son armée personnelle, de son armée de seigneurs de la guerre. Un peu plus tard, en 1915, il est envoyé avec une partie de son unité au Sichuan pour participer aux opérations destinées à contenir les mouvements de rébellion militaire qui se sont déclarés dans le sud-ouest en opposition aux ambitions impériales de Yuan Shikai, auxquelles j'avais fait allusion, je crois, dans mon cours d'introduction. À cette occasion, d'ailleurs, il louvoie avec quelques difficultés entre les sollicitations des forces anti-Yuan Shikai, qui semble avoir le vent en poupe, et les sollicitations de son patron, Lu Tianzhang, qui est aussi devenu son parent par alliance, et qui est pour sa part un partisan inconditionnel de Yuan Shikai. Dans tous les cas, Feng Yuxiang réussit à sortir de ce dilemme sans dommage, retourne en 1916 au Shanxi, où il reconstitue sa brigade et emmène peu après celle-ci du côté de Tianjin, sur ordre du premier ministre et ministre de la guerre, donc Duan Qijue. Les deux années suivantes dans la carrière de Feng Yuxiang sont trop compliquées pour pouvoir être facilement résumées, et aussi bien les détails n'ont pas d'importance ici. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Feng a réussi à négocier avec succès diverses crises, au cours desquelles il a été mêlé, souvent sans l'avoir lui-même cherché, au conflit incroyablement compliqué entre les factions issues de l'armée du Beiyang, et au terme desquels il a acquis une certaine notoriété. Au bout du compte, il se retrouve pendant 2 ans, jusqu'en 1920, en garnison à Chengde, dans la province du Hunan, en ayant réussi à conserver intactes ses forces qui sont à sa dévotion et qui, à ce moment, se montent à 10 000 d'hommes. À la fin de 1920, il est transféré dans le sud du Henan, où il reste quelques mois, avant d'être envoyé au Shanxi par Wu Peifu, qui, après la défaite de la clique Hanfu, est devenu le patron de facto de la clique du Joli. Et nous le retrouvons donc à Xi'an, nommé gouverneur militaire du Shanxi après le suicide de Yan Xiangwen au milieu de 1921. Mais ce bref résumé de la carrière de Feng Yuxiang jusqu'à ce moment, donc, où je m'étais arrêté, ne suffit pas. Certes, à bien des égards, Feng Yuxiang est un seigneur de la guerre comme les autres, au sens où sa préoccupation centrale, son impératif absolu, c'est de garder ses forces intactes, ou plutôt de les augmenter chaque fois qu'il en a la possibilité, et de préserver leur loyauté et le contrôle absolu qu'il exerce sur elles, ce qui suppose, entre autres choses, de s'assurer les financements nécessaires par quelque moyen que ce soit. Pour cette raison, il ne recule pas devant les manœuvres déloyales, les coups tordus et les retournements d'alliances bruyamment annoncés par circulaires télégraphiques qui sont le pain quotidien des seigneurs de la guerre. Mais par d'autre côté, son style et ses méthodes sont très différents de ceux de la plupart de ses collègues. Soldat d'extraction modeste et sorti du rang, comme nous l'avons vu, Feng Yuxiang s'est très tôt persuadé que pour s'assurer de la loyauté de ses troupes, il fallait d'abord abolir le fossé d'incompréhension et de morgue qui sépare ordinairement les officiers des simples soldats, être proche de ceux-ci, leur garantir des conditions de vie décentes, travailler à les instruire, et non seulement à les instruire, mais encore à les endoctriner, inlassablement et, si possible, en personne, afin de leur insuffler les idéaux de renouveau patriotique qui donneront un sens au sacrifice qu'implique leur condition même de soldat. Et aussi, il faut se donner soi-même en modèle en affectant la simplicité et un style de vie austère, comme on le voit d'ailleurs sur cette photo, dont le contraste avec la photo de Liu Zhenhua est tout à fait remarquable. On dirait un commandant de l'armée rouge pendant la période de Yan'an. Donc, style simple soldat, donc il faut cela, et il faut aussi maintenir au sein de la troupe une stricte discipline de vie, en plus de la discipline tout court, afin d'en faire un modèle de comportement aux yeux des populations, en même temps qu'une force de progrès. On est donc assez loin de l'ordinaire des seigneurs de la guerre, et ce sont en fait ces aspects que je viens de mentionner, et aussi un sens certain de la communication, qui ont valu assez tôt à Feng Yuxiang une indéniable popularité, en particulier, mais pas seulement, auprès des étrangers. Et bien sûr, ces derniers, au moins certains d'entre eux, étaient particulièrement séduits par le fait que Feng Yuxiang s'était converti au christianisme. Il avait été baptisé en 1914 par un pasteur chinois méthodiste, et qu'il dépensait beaucoup d'efforts pour convertir ses troupes. La lecture de la Bible et les prêches nationalistes étaient en quelque sorte les deux mamelles de sa propagande interne. La presse l'appelait le général chrétien, avant d'ailleurs de l'appeler après 1927 le général bolchevique, à la suite d'un changement d'alliance politique et idéologique dont je parlerai plus tard, mais qui dans tous les cas n'a jamais fait de lui un communiste, loin de là. Et même si aujourd'hui en Chine, Feng Yuxiang est considéré comme un grand patriote. C'est un peu l'épithète standard qu'on lui accole. On a beaucoup glosé, et même daubé, sur la nature exacte des convictions chrétiennes de Feng Yuxiang et sur les véritables raisons de sa conversion. Ce qui paraît certain, c'est qu'il a été, à un certain moment de sa vie, impressionné par le dévouement et le désintéressement des missionnaires. Et nous retrouvons là un point que je développerai plus tard, à savoir que les missionnaires opérant à l'intérieur du pays étaient un des vecteurs de la philanthropie internationale en Chine. En outre, le style de vie des convertis qu'il avait l'occasion d'observer correspondait à certaines des idées qu'il entretenait sur les comportements qu'il était indispensable à ses yeux d'encourager pour que les masses chinoises arrivent un jour à s'extraire de leur misère morale et matérielle et à se débarrasser du joug de l'impérialisme. Et s'il y a au moins un but que Fang Yixiang a poursuivi sans relâche et avec la plus extrême sincérité, tout au long de sa carrière, en dehors de son désir de pouvoir personnel, c'est incontestablement de libérer la Chine. Ses comportements, donc, c'était, qu'il observait chez les convertis chrétiens, c'était l'égalitarisme dans l'éducation, la moralité, l'ardeur au travail, le sens de l'ordre, et aussi ne pas jouer, ne pas fumer d'opium, et ne pas bander les pieds des filles. Autant d'impératifs, soit dit en passant, que défendaient tout aussi bien les progressistes comme ceux que nous avons rencontrés au Shanxi, dans le milieu de Lijie ou de Guoxijun, qui étaient, eux, non pas chrétiens, mais confucianistes ou bouddhistes, ou les deux à la fois. Le comportement discipliné des troupes de Fang Yixiang, qui se doublait d'ailleurs d'une extrême efficacité au combat, a été très admiré par les étrangers, au moins à une certaine époque de sa carrière, qu'on peut faire débuter avec les deux années passées à Chengde, au Hunan, en 1919 et 1920, deux années où il n'a pas combattu, en fait, et qu'il a pu consacrer exclusivement à l'entraînement et à l'endoctrinement de ses hommes, et donc une période de popularité qui continue pendant son court passage au Shanxi, sur lequel je vais tout de suite revenir. Ces quelques mois comme gouverneur militaire du Henan en 1922 et ses deux ans de garnison au sud de Pékin jusqu'à la deuxième guerre entre les cliques du Joli et du Fengtian en 1924, au cours de laquelle il trahit proprement son allié de la clique du Joli, Wu Peifu, et s'empare de Pékin pour son propre compte et pour celui de Zhang Zuolin, qu'il était supposé attaquer. Mais ils se feront la guerre un an plus tard. À cette occasion, je le rappelle, en passant, Fang Yixiang réalise un autre coup qui lui attirera beaucoup plus de protestations de tous les côtés. Il expulse de la cité interdite l'ex-bébé empereur, Puyi, et il y a d'ailleurs eu un film célèbre sur les malheurs de Puyi, et je n'insiste donc pas. Lorsque les forces de Fang Yixiang, qui ont été entre-temps expulsées de la région de Pékin par celles de Zhang Zuolin, reviendront au Shanxi à la fin de 1926, en revanche, et pour y rester jusqu'en 1930, ce sera très différent, dans le sens où elles seront alors une véritable calamité pour la province, laquelle souffre en outre d'une terrible sécheresse à partir de 1928. Mais là aussi, je reparlerai de cela plus en détail le moment venu. Pour revenir donc sur la période qu'on pourrait dire de popularité internationale de Fang Yixiang, et pour ne donner qu'un seul exemple, pendant qu'il est Duchun, donc gouverneur militaire du Henan, en 1922, paraît dans le Times, du 31 juillet 22, donc, un article intitulé « Des oasis en Chine, les trois bons Duchun, une population docile ». Les trois bons gouverneurs militaires en question, dont les régions donc échappent au chaos général parce qu'elles sont gouvernées de façon décente et se développent économiquement et socialement, ce sont Lu Yongxiang au Zhejiang, ensuite le célèbre Yan Xishan, qui a réussi à se maintenir 20 ans au Shanxi, et enfin le troisième, c'est bien sûr Fang Yixiang au Henan. Et à propos de Fang Yixiang, l'article multiplie les anecdotes sur le bon comportement de son armée, sur son austérité personnelle et son mépris du décorum. On affirme qu'il a pris possession de sa nouvelle capitale provinciale à vélo, sa façon d'afficher ses convictions chrétiennes, l'ordre et l'hygiène qu'il a commencé de faire régner dans sa capitale, etc. La seule chose que l'on regrette dans cet article du Times, c'est qu'il soit tellement anti-britannique. Il accuse en effet les Anglais de laisser faire librement leurs alliés japonais. Et c'est un fait que Fang Yixiang était extrêmement anti-britannique. Et l'article conclut que si les choses ont une quelconque chance de s'améliorer en Chine, on est donc en 1922, ce sera grâce à l'influence de ces trois hommes de mérite et en dépit de la pagaille créée par les politiciens de Pékin, et conclut encore que c'est rassurant de voir que l'art du gouvernement n'est pas complètement perdu en Chine et qu'il existe encore des patriotes sincères pour servir le public. On voit donc que les seigneurs de la guerre n'avaient pas toujours mauvaise presse et qu'ils savaient soigner leur image. Mais pour en revenir à Fang Yixiang au Shanxi en 1921, après l'expulsion de Chen Shufan, donc, et alors que la Tingotun est toujours active au nord de la Wei, on a le témoignage très intéressant d'un officier américain qu'il avait invité à venir le voir à Xi'an au début de 1922. Cet officier, c'est Joseph Stilwell, qui sera, une vingtaine d'années plus tard, pendant la guerre du Pacifique, l'un des généraux les plus prestigieux de l'armée américaine, et en même temps une célébrité en Chine, car il remplit les fonctions de chef d'état-major auprès du généralissime Chiang Kai-shek, qu'il méprise d'ailleurs cordialement, il l'appelle « the peanut », et qui en retour le déteste tout aussi cordialement et n'a de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues, et qui finira d'ailleurs au bout du compte par obtenir de Roosevelt son limogeage. Mais en 1922, Stilwell n'est encore que capitaine, et il est attaché militaire à la légation des États-Unis à Pékin. L'année précédente, en 1921, il avait été détaché auprès de la CIFRC pour servir comme ingénieur en chef d'un programme de construction routière au Shanxi, chez le seigneur de la guerre Yan Xishan, donc, dont il vient d'être question, où il avait passé 4 mois, et l'efficacité de son travail était venue aux oreilles de Feng Yuxiang au Shanxi, si bien que celui-ci l'invite donc à présent pour étudier un projet de modernisation de la grande route entre Tongguan et Xi'an, qui à cette époque n'était absolument pas carrossable. Un projet donc toujours en coopération avec la CIFRC. Stilwell a laissé une masse énorme d'archives, de correspondances et de notes au jour le jour, un peu comme Todd, qui construisait également des routes en Chine à la même époque d'ailleurs, c'est-à-dire pendant et tout de suite après la grande famine de 1920. Je n'ai évidemment pas consulté ces archives, mais elles ont été exploitées de la façon la plus minutieuse par Barbara Touchman dans sa biographie classique de Stilwell, une biographie qui est parue en 1970 et sur laquelle donc je me base. Le témoignage de Stilwell sur son périple au Shanxi est d'un grand intérêt car, militaire jusqu'au bout des ongles, et de plus parlant bien le chinois, c'était un observateur aigu et qui ne s'en laissait pas compter. Dès qu'il a pénétré au Shanxi par Tongguan, les traces, à cette époque, le terminus du long rail du chemin de fer est à 4 jours de voyage de Tongguan. Dès qu'il est entré au Shanxi, donc, les traces de l'administration de Feng Yuxiang sont partout. Soldats disciplinés qui défilent dans les rues en chantant des hymnes chrétiens, adaptés à des thèmes militaires ou patriotiques, murs couverts de slogans invitant à ne pas fumer, à ne pas boire, à être honnête et travailler dur dans les champs, à respecter ses parents, etc. Exactement ce que les fonctionnaires de l'Empire affichaient, eux aussi d'ailleurs. Cours d'alphabétisation pour les troupes et tout un programme d'amélioration de l'agriculture et de l'irrigation dont on ne voit cependant pas un début de réalisation. En revanche, on est obligé de traverser entre Tongguan et Xi'an des zones de banditisme le long donc de ce qui est la principale route nationale de la province. À Xi'an, où il arrive le 3 avril 1922, Stilwell est immédiatement reçu par Feng Yuxiang, qui le frappe par son absence de grands airs et lui fait visiter ses arsenaux et ses casernes, où l'on voit des soldats faire la sieste en lisant la Bible, s'entraîner au gymnase, apprendre à lire et s'initier aux divers métiers artisanaux dans des ateliers. Stilwell a d'ailleurs ramené une quantité de photographies de tout cela. La propreté et la correction des soldats de Feng Yuxiang le frappe également beaucoup, et même la propreté de leurs fusils. Stilwell n'est pas capitaine d'infanterie pour rien. Les baraquements sont ornés de cartes de Chine où les territoires cédés aux puissances étrangères sont coloriés en rouge vif. Bien que Feng Yuxiang semble plus intéressé à recueillir des informations sur les derniers armements modernes, totalement inutiles en la circonstance d'après Stilwell, mais Feng y tient beaucoup, plutôt qu'à discuter du programme routier, celui-ci démarre néanmoins, mais pour s'interrompre assez vite, car la première guerre entre les factions du Zheli et du Fengtian vient d'éclater, et Feng Yuxiang doit quitter la province en hâte, à la tête de ses troupes, pour participer au combat. Mais il a suffisamment impressionné son hôte pour que celui-ci, qui conservera d'ailleurs avec lui des liens amicaux dans les années suivantes, pour que Stilwell donc considère que si on lui en avait laissé le temps, Feng Yuxiang, le seul homme, dit-il, à avoir montré si peu que ce soit qu'il était en faveur de la loi et de l'ordre, et pour un gouvernement décent, que Feng Yuxiang donc aurait peut-être réussi à éradiquer le banditisme, à établir son contrôle sur l'ensemble de la province et à interdire la culture de l'opium. Et de fait, l'administration du Shanxi par Feng Yuxiang, qui reposait en effet sur des grands projets de réforme et de moralisation de la société, n'a duré que quelques mois et n'a pas pu donc réaliser grand-chose. Et de toute façon, la situation dont il avait hérité au Shanxi était proprement abominable, à commencer par le fait que Xi'an ne contrôlait alors qu'une toute petite partie de la province et que même cette petite partie, en gros la rive droite de la Wei dans la région du Guangdong, était en proie au banditisme le plus virulent et dans un état avancé de crise économique. D'une manière générale d'ailleurs, le Shanxi passait alors pour une des provinces les plus déshéritées et les plus ingouvernables du pays. Mais pour y revenir, l'un des principaux problèmes auxquels doit s'attaquer Feng Yuxiang, une fois qu'il est devenu gouverneur militaire, c'est la présence de la Tingwotun de Yu Yuzhen au nord de la rivière. D'une certaine manière, le problème s'est résolu de lui-même. Je veux dire auprès de combats en fin de compte assez limités, car l'arrivée au printemps 1921 des forces de la clique du Zheli, envoyées par Wu Peifu, n'a fait qu'accélérer un mouvement de défection parmi les lieutenants de Yu Yuzhen qui était déjà bien engagé. Les articles sur la Tsingo-Tun dans les Wenshuzilia énumèrent tristement les routes, c'est-à-dire les secteurs de l'armée de Yuyozhen, dont les commandants passent l'un après l'autre à tel ou tel ennemi, tel seigneur de la guerre, adhérent de la clique du Fontien, venu du Gansu pour participer à la répression contre la Tsingo-Tun, ou alors Chen Shufan lui-même, avant son éviction par Feng Yuxian, et ensuite, donc, les forces du Zheli. Et en effet, après l'installation de Feng Yuxian à Xi'an, la grande force d'attraction pour des chefs rebelles épuisés par 4 années de combat et désormais sans aucune chance de s'emparer de la capitale de la province, et alors que la région du Weibei continue d'être affamée et que la discipline semble s'être beaucoup dégradée, la grande force d'attraction, donc, c'est la promesse d'être intégrée avec leurs troupes et avec une promotion à la clé et l'assurance d'une paie régulière aux forces gouvernementales qui sont aussi celles du parti alors le plus puissant en Chine, la clique du Zheli, donc. Le plus en vue de ces nouveaux alliés, ou plutôt ralliés, c'est Hu Tingyi, le plus brillant des chefs de guerre de la Tsingo-Tun. C'est donc Hu Tingyi. Et Hu Tingyi a d'ailleurs profité des circonstances pour agrandir son propre domaine, ainsi que son influence. Il semble de toute façon que son ralliement aux forces du Zheli n'ait été que partiel. Il est officiellement qualifié de provisoire. Non seulement Hu Tingyi garde son armée, qui devient la première division de l'armée provinciale du Shanxi, mais également le contrôle d'une bonne partie de la région du Weibei, où il est largement indépendant. Il semble qu'il continue d'être basé à Sanyuan, où, nous dit-on, il aurait pris soin de saccager le siège de la Tsingo-Tun et de s'emparer des archives. Un détail parlant, c'est que, d'après la biographie chronologique de Guo Xijun, lorsque celui-ci, mourant, réussit à faire revenir Li Jue au Shanxi pour le remplacer comme chef du bureau d'hydraulique, on est donc alors dans la seconde moitié du 1922, après le départ de Feng Yuxian, et alors que Liu Zhenhua a hérité des fonctions de gouverneur militaire, cette invitation donc aurait été en fait adressée à la fois par Guo lui-même et par le général Hu Tingyi. Et comme nous l'avons vu, déjà en 1923, Hu Tingyi est désigné comme président honoraire du comité d'irrigation de Weibei, ceci dans le fameux pamphlet de Li Jue, où l'on trouve donc sa photo. Quoi qu'il en soit, dès avant le retournement de Hu Tingyi, Yu Yuzhen, lâché par un nombre croissant de ses compagnons, a abandonné Sanyuan, escorté par un des derniers irréductibles, qui n'est autre que Yang Hucheng. Il va se réfugier à Fengxiang, dans l'ouest du Guangzhou, et c'est là qu'a lieu le dernier rassemblement de ce qui reste encore de la Tsingo-Tun, en mai 1922. Yu Yuzhen quitte le Shanxi en juin, il descend au sud, au Sichuan, et de là regagne une nouvelle fois Shanghai, le refuge de tous les révolutionnaires en difficulté. Les seigneurs de la guerre en difficulté vont plutôt se réfugier à Tianjin en général, dans une concession internationale. Yang Hucheng, quant à lui, livrera encore quelques combats avec son régiment. La capture d'un convoi d'armes lui a donné un bref coup de fouet. Et, en fin de compte, après la victoire des forces du Zheli dans le conflit qui était allé rejoindre Feng Yuxian, il abandonne définitivement la partie et, au terme d'un périple décrit là encore comme héroïque, trouve refuge dans le nord de la province à Yan'an, lieu symbolique s'il en est, au moins a posteriori, pour conclure une glorieuse retraite. Pour terminer, je voudrais encore une fois rapidement souligner les difficultés présentées par les sources dès lors qu'on souhaite obtenir une image un peu complète et contrastée. L'épisode du gouvernorat militaire de Feng Yuxian au Shanxi apparaît sous une lumière assez différente suivant les sources. Dans la monographie de James Sheridan, par exemple, la présence de Liu Zhenhua n'est même pas mentionnée, alors qu'il occupait les fonctions de gouverneur civil de la province, qu'il s'est tout de suite mis au service de Feng et que plusieurs témoignages nous assurent qu'ils sont devenus frères jurés. De même, les indications de Sheridan sur la Tsingo-Tun et sur le ralliement de Hu Tingyi sont assez confuses. En revanche, ses descriptions sur les efforts de Feng Yuxian pour réorganiser et surtout pour moraliser les quelques zones du Shanxi qu'il contrôlait, à commencer par la ville de Xi'an elle-même, confirment les impressions de Stilwell, que Sheridan ne mentionne pas, il ne pouvait pas le faire puisque la biographie de Tuchman est parue plus tard, après son ouvrage. Il cite même certains témoignages qui semblent indiquer que les habitants de Xi'an étaient exaspérés par le zèle moralisateur de Feng Yuxian à tout réformer et à tout nettoyer, et par ce qu'un témoin, apparemment occidental, appelle sa bonté tyranniquement oppressive. De leur côté, les auteurs des Wenshuzilia, qui parlent du Shanxi au même moment, ne disent pas un mot de tous ces aspects qui frappaient tant les témoins étrangers et considèrent l'histoire de la région à travers le prisme de l'opposition entre progressistes et réactionnaires, symbolisée par Yu Zhenhua et Chen Shufan d'un côté, Yu Yuzhen et Sa Tsingo-Tun de l'autre. Feng Yixiang est un peu entre les deux. Dans tous les cas, la fin de l'épisode de la Tsingotune et la victoire temporaire des forces du Zheli au plan national correspondent au début d'une courte période de relative stabilité politique dans la région du Guangdong, dont profitera d'abord l'inamovible gouverneur Liu Zhenhua, mais qui est aussi marqué, pour ce qui nous concerne, par le retour de Li Jue au Shanxi que je viens d'évoquer. C'est en effet pendant cette période que Li Jue va mettre en place le programme qui s'est finalement réalisé, encore que sous une forme quelque peu édulcorée, après 1930, et qu'il va tenter d'y associer Todt et la CIFRC. Mais les projets de reconstruction du canal Longdong formulés à ce moment n'étaient pas les premiers. Et il me faudra donc de nouveau remonter un peu dans le temps pour voir comment, en dépit du contexte chaotique que j'ai évoqué aujourd'hui, on s'était déjà préoccupé de la réhabilitation de l'irrigation du Weibei. Ensuite de quoi, j'analyserai les efforts finalement couronnés d'un succès de Li Jue pour lancer ce projet qu'il avait tenté un moment, donc de placer sous la protection de Liu Zhenhua et des seigneurs de la guerre du Guangdong, jusqu'au jour où ces derniers ont commencé à se battre entre eux. C'était Éloge du savoir avec aujourd'hui Pierre-Étienne Ville, titulaire de la chaire d'histoire de la Chine moderne. Présentation Christine Goémé. Réalisation Dominique Briffaut. Radio. Les voix. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dis maintenant. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio. J'apprends. Écoutez. Vous êtes sur France Culture. Cette semaine, sur vos radios web, sur franceculture.com, rencontre avec le jeune metteur en scène Olivier Balazuc, invité des Sentiers de la Création à l'occasion des représentations du Balcon de Jean Genet à l'Athénée. Cap sur le Brésil, musique populaire et magie noire, divination et candomblé, au menu de ce voyage de 1976, conduit par l'écrivain Roré Amado. Rendez-vous enfin à l'IRCAM pour en savoir un peu plus sur la voix et ses mystères. Dans les chemins de la connaissance, retrouvez Georges Bernanos à travers des archives INA de 1948 à 1968. Hors les murs, l'âge d'or de la science arabe, le rôle de l'Espagne musulmane. Au CNAM, de la toxicomanie à la médecine des addictions. Enfin, à l'occasion de l'exposition Métamorphose durable à la Cité de l'architecture et du patrimoine, l'IFA propose un colloque réunissant architectes, urbanistes, élus et maîtres d'ouvrage pour parler développement durable appliqué à l'architecture et l'urbanisme. À la carte, les sentiers de la création, les chemins de la connaissance,